Sitôt que je fus libre, je courus dans la rue de Mademoiselle Galley, me flattant de voir entrer ou sortir quelqu'un, ou du moins ouvrir quelques fenêtres. Rien, pas un chat ne parut, et tout le temps que je fus là, la maison demeura aussi close que si elle n'eût point été habitée. La rue était petite et déserte, un homme s'y remarquait. De temps en temps, quelqu'un passait, entrait ou sortait au voisinage. J'étais fort embarrassé de ma figure. Il me semblait qu'on devinait pourquoi j'étais là. Et cette idée me mettait au supplice, car j'ai toujours préféré à mes plaisirs l'honneur et le repos de celle qui m'était chère. Enfin, las de faire l'amant espagnol et n'ayant point de guitare, je pris le parti d'aller écrire à Mademoiselle de Graffenried. J'aurais préféré d'écrire à son ami, mais je n'osais, et il convenait de commencer par celle à qui je devais la connaissance de l'autre, et avec qui j'étais plus familier. Ma lettre faite, j'allais la porter à Mademoiselle Giraud, comme j'en étais convenu avec ces demoiselles en nous séparant. Ce furent elles qui me donnèrent cet expédient. Mademoiselle Giraud était contrepointière, et travaillant quelquefois chez Madame Galley, elle avait l'entrée de sa maison. La messagère ne me parut pourtant pas trop bien choisie, mais j'avais peur, si je faisais des difficultés sur celle-là, qu'on ne m'en proposât point d'autre. De plus, je n'osais dire qu'elle voulait travailler pour son compte. Je me sentais humilié qu'elle osât se croire pour moi du même sexe que ces demoiselles. Enfin, j'aimais mieux cet entrepôt là que point, et je m'y tins à tout risque.